Écoutez et observez la différence entre le rythme du français et le rythme de l'anglais. 1. The girl turned the radio off. La jeune fille a fermé la radio. 2. The teachers arrived this morning. Les professeurs sont arrivés ce matin. 3. It's easy to see that you have cheated. On voit bien que vous avez triché. 4. My children don't speak English well. Mes enfants ne parlent pas bien l'anglais. 5. She has just written the monthly report. Elle vient d'écrire le rapport mensuel.